Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a répondu le 27 à la question d'un correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée à propos de la discussion de la stratégie de dissuasion élargie des États-Unis et des fantoches sud-coréens contre notre République. Ces derniers jours, Washington a abrité une réunion américano-sud-coréenne du groupe pour discussion de la stratégie de dissuasion élargie. Les États-Unis et les fantoches sud-coréens, qui ont convenu en octobre dernier à la fondation du dit groupe, ont tenu sa première réunion, ce qui est une provocation sévère qui s'aggrave de plus la situation de la péninsule coréenne et empire le danger de guerre nucléaire. Les États-Unis ont examiné dans cette réunion la disposition circulaire de leurs biens stratégiques en Corée du Sud, sous prétexte de notre menace. C'est la pire tentative dangereuse pour normaliser et systématiser les menaces et chantages nucléaires contre la Corée et nous étrangler sur le plan militaire. Maintenant, les États-Unis tentent de contrôler plus sérieusement les fantoches sud-coréens qui sont à la pire crise politique et de les assujettir sur le plan militaire et de réaliser leur ambition d'hégémonie en maîtrisant les États concurrents et assurant toujours la supériorité militaire en Asie-Pacifique à travers la formation de l'Alliance militaire américano-nippo-sud-coréenne et la fondation de l'OTAN version asiatique. Ces derniers temps, les fantoches sud-coréens ont fait bruit de la construction d'un sous-marin nucléaire à l'instigation des États-Unis, ce qui est le dévoilement clair de l'intention de se faire troupe de choc et valet de la stratégie américaine de domination de l'Asie-Pacifique. Bien que les États-Unis et les autorités sud-coréennes parlent de la soi-disant menace à propos de notre renforcement de la dissuasion nucléaire, nul ne peut dissimuler leur nature criminelle qu'ils nous menacent avec le nucléaire et provoquent l'instabilisation de la situation de la région en introduisant leurs biens stratégiques pléthoriques. L'actuelle situation montre clairement la justesse et l'exactitude de la décision et de la ligne de la Corée socialiste qui veut mettre fin fondamentalement avec la dissuasion nucléaire puissante au danger de guerre nucléaire imposé par les États-Unis pour défendre la paix dans la région et le monde. Tant que les États-Unis continuent la politique hostile et la menace nucléaire, nous renforcerons toujours davantage les forces armées nucléaires autodéfensives, qualitativement et quantitativement, en maintenant en permanence les idées et lignes du Parti Travail de Corée sur la promotion simultanée de l'édification économique et des armements nucléaires.